toi j'aurais tout donné. Mais t'as préféré abandonner. A ton cœur, oui, je suis abonné. Laisse-moi le temps de le savourer. Je ne suis pas un voyou, yo yo yo yo. Encore moi, oui, un gros bonnet. Y'en a que pour yo yo yo yo yo. Donc obligé de charbonner. Non, non, non, j'suis pas là pour ça. Oui, oui, oui, j'suis à ta poursuite. Oh là là, j'suis pas coupable. Aïe, aïe, aïe, tu m'as pris pour elle n'est pas là. Des appels, des messages, elle ne me répond plus, elle n'est pas là. Où que j'aille, tu nous reçus, je suis perdu, elle n'est pas là. Le moment est beau là, je te ferai voir tant de choses. Vas-y, prends ma main là, pas question de faire une pause. Mais qui a payé tout ce que t'as aujourd'hui, qui a payé? Mais qui a payé tout ce que t'as aujourd'hui, qui a payé? As-tu fait t'en aller, tes bagages sont posés sur le palais. As-tu fait t'en aller, tes bagages sont posés sur le palais. As-tu fait t'en aller, tes bagages sont posés sur le palais. Ah, tu peux t'en aller, tes bagages sont posés sur le palais. Elle n'est pas là. Des appels, des messages, elle ne me répond plus, elle n'est pas là. Où que j'aille, tu nous reçus, je suis perdu, elle n'est pas là. Pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, elle n'est pas là.